écrire une chanson d'amour pour toi. Mais notre amour est trop vaste et trop grand pour tenir dans si peu de temps. Il faudrait un empire de notes et de mots à la fois pour pouvoir tout te dire et pour écrire une chanson d'amour. Notre route, elle nous semblera trop courte, parce que malgré les apparences, l'habitude et la connaissance ne font que renforcer nos liens, nourrissent un feu qui jamais ne s'éteint. Je voulais écrire une chanson d'amour pour toi, mais notre amour est trop vaste et trop grand pour tenir dans si peu. Il faudrait un empire de notes et de mots à la fois pour pouvoir tout te dire et pour écrire une chanson d'amour pour toi et moi. Mais unique au milieu des autres, cette chanson sera la nôtre, même si ce n'est la plus belle, qu'elle reste un témoin éternel, qu'elle soit de toi à moi un gage plus précieux que le mariage, pour que toujours tu te souviennes que ma vie se confond avec la tienne. Je voulais écrire une chanson d'amour pour toi, mais notre amour